Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Radio Fadjet. Oui, faut-il encore le repréciser, notre émission est diffusée et le samedi et le dimanche à 11h. On va ouvrir l'émission aujourd'hui avec un peu d'Antonio Salieri. Alors évidemment, vous le connaissez, ça c'est grâce au film Amadeus, film de Milos Forman, qui reprenait d'ailleurs une pièce de Pouchkine qui avait été un sujet d'opéra chez Rimsky-Korsakov. Ça vient de loin tout cela. Mais évidemment, Salieri n'a pas empoisonné Mozart, encore faut-il encore le rappeler, parce que c'est vraiment important de le dire. Salieri fut un maître respecté, honoré de son vivant. Il a d'ailleurs arrêté de composer très très tôt, hein, dès 1804, alors qu'il a vécu jusqu'en 1825. Excusez-moi. Mais Salieri, il est né dans une petite ville proche de Venise, et puis il a commencé ses études dans cette ville, Venise, avant de partir à Vienne, parce qu'il avait été remarqué par un aristocrate viennois, et là il va faire jouer son premier opéra en 1768, qui est d'ailleurs perdu, et puis il va composer des opéras comiques qui auront beaucoup de succès. Alors ce qu'on va écouter, c'est une ouverture de Salieri pour son opéra Le Talisman, un opéra bouffe avec un livret d'ailleurs signé Lorenzo da Ponte, qui n'a pas travaillé que pour Mozart, le fameux da Ponte qui va écrire les livrets de Così fan tutte, Don Giovanni et Les Noces de Figaro, et qui avait été monté au Burgtheater de Vienne en 1788, quelques mois seulement après la première viennoise de Don Giovanni de Mozart. Alors cet opéra, Le Talisman, ça évoque l'histoire de la fille d'un gouverneur qui a été enlevée par des gitans et à qui il est donné un talisman au pouvoir magique de transformation, un sujet auquel d'ailleurs Salieri s'était déjà attaqué pour Milan 10 ans auparavant. Il faut préciser aussi que Salieri fut un maître recherché, il eut pour élève Czerny, mais aussi Schubert, et même Beethoven, parfois le consulta, recueilla ses conseils. Voici cette ouverture, Le Talisman de Salieri, joué par l'Orchestre symphonique de la Radio Slovaque, que dirige Michael Dietrich. Thank you. Voilà, c'est assez représentatif hein, de la musique de Salieri, cette ouverture, le talisman qu'on écoutait avec l'orchestre symphonique de la radio slovaque, dirigé par Michael Dietrich. Vivaldi, bah évidemment, Venise, lui aussi, évidemment, lui, Vivaldi a essentiellement vécu à Venise, même s'il est parti à Vienne à l'extrême fin de sa vie. Bon, je disais que Salieri était parti à Vienne après être passé par Venise, mais vraiment... Pour Vivaldi, ce sont les dernières années de sa vie, où il est vraiment les derniers mois même de sa vie, où il s'est rendu à Vienne et il y est mort d'ailleurs. On ne sait pas où il est enterré. Vivaldi et son oratorio Judith Triomphante. Alors c'est un oratorio de 1716 qui a été commandé par la République de Venise pour commémorer la victoire de Venise sur les Turcs. C'est une œuvre très souvent enregistrée, très souvent jouée, et je vous en propose un extrait avec la belle voix de Delphine Galou, qui est une contralto, et puis l'ensemble Accademia Bizantina est dirigé du clavecin par Ottavio D'Antoni. Magnifique, hein. J'adore cette chanteuse Delphine Galou, contralto, qu'on écoutait dans Vivaldi, un extrait de l'oratorio Judith Triomphante. L'Académie Bizantina était dirigée par Ottavio D'Antoni. Et si vous avez écouté l'émission d'hier, bah, vous vous souvenez peut-être que j'ai passé une pièce peu connue de Rachmaninov, un nocturne. Aujourd'hui, eh bien, on va écouter une pièce beaucoup plus connue. C'est peut-être le plus célèbre des nocturnes opus 23, le cinquième, qui est une petite marche. Alors, Rachmaninov, comme je l'ai dit hier, il a composé les trois quarts de son œuvre avant 1917, puisqu'il a quitté la Russie pour l'Occident, tout d'abord la France, puis les États-Unis. Il ne s'est jamais vraiment remis de cet exil parce que son pays lui a toujours beaucoup manqué, beaucoup de nostalgie donc, dans cette musique de Rachmaninov. Mais il a quand même, par la suite, composé des œuvres extrêmement intéressantes, comme la Rhapsodie sur un thème de Paganini, par exemple, son quatrième concerto pour piano. Et il faut connaître aussi les poèmes symphoniques de Rachmaninov. Le Rocher, L'île des morts sont des pages absolument magistrales, très inspirées. Et puis sa musique pour piano, évidemment, souvent inspirée de Chopin, mais pas toujours. Les préludes opus 23 y ont eu quand même pour modèle ceux de Chopin. Voici donc ce cinquième prélude, qui est une petite marche, de Rachmaninov, joué par Santiago Rodriguez. Thank you. Le cinquième prélude opus 23 de Rachmaninov, joué par Santiago Rodriguez, discothèque classique, votre magazine classique comme tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Radio Fadjet. Et on va enchaîner avec Beethoven. Beethoven est une œuvre qui est une œuvre là encore méconnue, sa romance Cantabile pour piano, flûte et basson. Alors c'est une œuvre qui a été reconstituée, parce qu'elle était fragmentaire, par un musicologue, compositeur qui s'appelle Willy S. et qui a d'ailleurs arrangé différentes partitions de jeunesse de Beethoven, notamment un premier concerto pour piano qui n'était pas homologué dans le catalogue officiel, et il l'a reconstitué, mais d'autres pages, comme cette romance Cantabile magnifique. Alors on va l'écouter, cette page de jeunesse de Beethoven fragmentaire, arrivée jusqu'à nous de manière fragmentaire, mais reconstituée par la suite, avec au piano Myung-Woon Chung, à la flûte Patrick Gallois, et au baston Pascal Gallois, son frère. Thank you. La romance Cantabile pour piano, flûte et basson de Beethoven avec au piano Myung Van Chung, voilà, j'y arriverai, et puis à la flûte Patrick Gallois, au basson Pascal Gallois. On continue avec un peu d'opéra, votre émission discothèque classique jusqu'à midi sur Radio Fadjet, et voici Charles Gounod et son Faust, un ouvrage particulièrement important dans le répertoire lyrique français, qui connut d'ailleurs un vrai succès et qui fut très très longtemps à l'affiche des différentes maisons d'opéra. Alors le Faust, eh bien, c'est bien sûr le Faust de Goethe qui inspira Gounod, qui avait déjà inspiré Berlioz. Et c'est vrai que ce Faust de Goethe a eu énormément de retentissement, un succès considérable à l'époque où il fut publié, un succès international d'ailleurs. Et c'est avec Barbier et Carré, les librettistes, que Gounod va s'atteler à son nouvel opéra. Et il y avait évidemment des pages très célèbres dans Faust de Gounod, notamment L'air des bijoux de Marguerite, qui est souvent chantée par la Castafiore, enfin qui ne chante que cela d'ailleurs dans les albums de Tintin. Et puis il y a aussi Le cœur des soldats, mais il y a une page qui est aussi assez souvent jouée hors opéra, c'est-à-dire dans les récitals de chanteuses, c'est Je veux vivre. Alors on va l'écouter interprétée par Kathleen Battle, soprano. L'orchestre de l'Opéra Bastille est dirigé par Myung Van Chung, que l'on vient d'écouter en tant que pianiste et que l'on va retrouver en tant que chef d'orchestre cette fois. Et froid sans chaleur, au cœur tout. Je veux vivre, un air tiré de l'opéra Faust de Charles Gounod, avec la voix de Kathleen Battle, l'orchestre de l'Opéra Bastille, direction Myung Vyun Chung. Alors je ne vais pas enchaîner quand même avec l'air des bijoux, si célèbre que depuis que, évidemment, les albums de Tintin évoquent cette œuvre de Gounod, ce Faust de Gounod, mais je vais passer une autre œuvre qui est aussi représentée dans les albums de Tintin. C'est la pivoleuse de Rossini. Alors, il faut lire l'album Les bijoux de la Castafiore, parce que c'est l'histoire de la pivoleuse. Hein. C'est un opéra qui date de 1817, et c'est l'histoire d'une jeune fille qui va être accusée à tort d'avoir volé des accessoires en argent, notamment une cuillère. Et puis, en fait, c'est une pie qui a volé cet objet. Et du coup, elle est en prison, elle risque même la mort. Et puis finalement, ça va bien s'arranger, elle pourra épouser le garçon qu'elle aime, et en plus elle sera innocentée puisqu'on va retrouver évidemment cette cuillère dans le nid d'une pie. Voici un extrait de l'ouverture de la pivoleuse de Rossini avec l'orchestre philharmonique de Berlin que dirige Herbert von Karajan. Thank you. la flamboyante ouverture de la Pivoleuse de Rossini, l'Orchestre Philharmonique de Berlin, direction Herbert von Karajan. Et on pense toujours au film Orange Mécanique de Kubrick, évidemment, quand on écoute cette belle musique. On va continuer avec Mozart. Et l'une de ses œuvres de jeunesse, si je puis dire, 1777, une année qui ouvre la porte aux œuvres de la maturité en quelque sorte, la sonate Köchel 296 pour violon et piano, l'une des premières du genre, et c'est une œuvre absolument sublime, je trouve, composée lorsque Mozart était à Mannheim, séjournait à Mannheim. C'est une œuvre qui date de l'époque où il est amoureux d'Aloïsa Weber, la célèbre Aloïsa Weber, qui était chanteuse, issue d'une famille musicienne. Ils étaient cousins germains du compositeur Karl Maria von Weber, et puis bien la belle va lui préférer un autre, et donc Mozart par dépit, mais en fait il va tomber amoureux de sa sœur, et bien il va choisir Constance, qui était la sœur cadette d'Aloïsa, et ça va s'avérer être un ménage finalement plutôt heureux, contrairement à ce que souvent les musicologues ont écrit. Maintenant, ils ont un peu revu les choses et on estime que Mozart, eh bien, finalement, a probablement eu beaucoup le soutien de Constance pour l'ensemble de son œuvre et la faire créer, bien sûr. Allez, un peu de cette sonate Köchel 296, le deuxième mouvement Andante Sostenuto, magnifique, avec au violon Frank Peter Zimmermann et au piano Alexander Lönnkich. Thank you. Belle osmose hein, entre les deux musiciens, un bel équilibre entre le piano et le violon. C'est pas toujours le cas, hein, parce que souvent les violonistes tirent un peu la couverture vers eux et ça devient des sonates pour violon avec accompagnement de piano. Ben là, c'est pas le cas. Magnifique sonate pour violon et piano, Köchel 296 de Mozart, le mouvement lent joué par Frank-Peter Zimmermann et Alexander Lankisch. Une nouveauté maintenant, une nouveauté qui a beaucoup de succès. D'ailleurs, ce disque est nominé, comme on dit, je crois, ou nommé, pour les Victoires de la Musique 2026 comme le disque de l'année. C'est le nouvel enregistrement du Requiem allemand de Johannes Brahms par l'ensemble Pygmalion que dirige Raphaël Pichon. Alors, ce Requiem allemand, c'est une œuvre qui a été créée en 1868 avec un certain succès. Et c'est vraiment une œuvre poignante que Brahms a composée après avoir été très affecté par la mort de son ami Robert Schumann, le compositeur, et puis ensuite par la mort de sa mère. Alors pourquoi allemand ? Eh bien parce qu'en lieu et place des textes latins, ce sont des textes en allemand qui sont chantés. Voici un extrait de cette nouvelle version du Requiem allemand de Johannes Brahms, une œuvre incontournable qu'il faut connaître, avec cet ensemble Pygmalion, magnifiquement dirigé par Raphaël Pichon. Un extrait du Requiem allemand de Johannes Brahms, nouvelle version avec l'ensemble Pygmalion que dirigeait Raphaël Pichon. Et on reste avec Brahms, sa première danse hongroise, mais alors dans une transcription de son ami Joseph Joachim. Et Joachim, eh bien, c'était l'un des plus grands violonistes de son époque, connu sur le plan européen, même aux États-Unis. Il l'aida à composer son concerto pour violon, notre Brahms, mais ils se sont brouillés par la suite pour une histoire de divorce de Joachim, qui avait déplu à Brahms, qui s'était peut-être mêlé de ce qui ne le regardait pas. Mais bon, voilà, Brahms fut quand même très proche de ce violoniste, qui a arrangé quelques œuvres de son ami. Voici la première danse hongroise de Brahms, arrangée par Joachim, jouée au violon par Kyung Vachung et au piano par Philippe Moll. Première danse hongroise de Brahms, interprétée par Kyung Vachung au violon, et puis Philippe Moll au piano, arrangé par le grand violoniste Joseph Joachim. Alors si vous nous découvrez, bon, ben, c'est Discothèque Classique sur Radio Fadjet tous les samedis et dimanches de 11h à midi. Et on va terminer l'émission d'aujourd'hui avec un compositeur irlandais qui n'est pas tellement connu, c'est John Field. Il est né en 1782, il est mort en 1837, et il avait commencé à jouer, à étudier le piano à Dublin. Il a travaillé pour un facteur d'instruments, et puis ensuite il a fait une tournée en Russie, et il s'est plu beaucoup dans ce pays parce qu'il a eu énormément de succès. Et il y est resté quand même pas mal d'années. Ensuite il est tombé malade, il a fait un petit périple en Europe, et puis voilà, il est mort en 1737, il est enterré d'ailleurs à Moscou. Et John Field, il est connu pour avoir beaucoup inspiré Chopin, puisque Field a été le premier compositeur à écrire des nocturnes pour piano. On va écouter un peu de sa musique, le premier concerto pour piano, qui date de 1827. On va en écouter le début avec au piano Paolo Restani, l'orchestre philharmonique de Nice et dirigé par Marco Guadarini. Thank you. Voilà, c'était un large extrait, me semble-t-il, de ce concerto pour piano numéro 1 de John Field, l'Irlandais, avec au piano Paolo Restani et l'Orchestre Philharmonique de Nice était dirigé par Marco Guidarini. Et ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Hein. Mais on se retrouve, comme vous le savez, ben la semaine prochaine, de 11h à midi, le samedi et le dimanche, pour de nouvelles émissions de Discothèque Classique. Je vous souhaite un excellent dimanche, bien sûr, et puis une excellente semaine. Et je vous dis à très très bientôt, j'espère.